Et elles sont venues nous remercier en disant merci, après les cartes, après le jeu de photos. Et bien merci beaucoup madame, parce que on a travaillé, on a passé notre journée, sinon ce serait embêté. Et elle disait aux petits, on travaille. Les petits ne te voient pas, mais vous viendrez après nous, on travaille. Hyper HM. Vas-y.